en français dans le texte. Bonjour et bienvenue sur les 91 et 102.5 MHz de Sorgy FM. Nous sommes ensemble pour une heure et c'est en français dans le texte. On en apprend tous les jours. Saviez-vous qu'il existait un conservatoire de la chanson française, calqué sur celui de la musique classique ? Que l'on peut réviser son latin avec Jacques Brel et son orthographe avec Serge Gainsbourg ? Que Georges Brassens est intimement lié à Edgar Allan Poe ? Ou encore que l'on peut découvrir de nombreuses figures de style grâce à une seule chanson, de Jean Ferrat. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Ce qui l'est moins, en revanche, c'est que vous aurez toutes les explications à ces intéressantes questions en écoutant en français dans le texte. L'instant présent est impalpable, il est léger, insaisissable, suspendu dans l'air et le temps, il ne dispose simplement que d'un très court moment sur terre. L'instant présent a des œillères. L'instant présent est si fragile qu'il ne peut rester immobile. Sans une plainte, sans un cri, à peine il sent bien qu'il s'enfuit avant que d'entrer dans l'histoire. L'instant présent n'a pas de gloire. Il ne peut, durant ce passage, que mener une vie très sage. Car déjà près de lui se tient le suivant, qu'en fera ni moins ni davantage. L'instant présent n'a pas de rêve, à peine arrivé qu'il s'achève. Il est sauvage, il est craintif, il est sans force, il est captif de la seconde qui va naître. L'instant présent doit disparaître. L'instant présent, il faut le prendre avec des gestes et des mots tendres. Lui faire un futur, un passé dans nos cœurs et dans nos pensées, et lui bâtir une existence. L'instant présent est notre chance. L'instant présent ne se repose pas en chemin, ni se propose. Pour le saisir, il faut vouloir, tu vois. Il est déjà trop tard, prends le prochain, il passe ensuite. L'instant présent disparaît vite. Pour notre amour sans fausse honte, si nous sommes sincères et promptes, en les alignant bout à bout, nous pourrons en avoir beaucoup à notre compte. L'instant présent peut être nôtre si nous l'enchaînons avec d'autres. Viens, tandis que je le saisis, écoute les mots que je dis, je ne les dirai plus de même. L'instant présent est un problème. Mais si tu m'aimes et si je t'aime, l'instant présent de nos 20 ans vivra longtemps. L'instant présent, le titre de Charles Aznavour que l'on vient d'entendre, est extrait de son album « Non, je n'ai rien oublié » paru en 1971. Un titre pour lequel Charles évoquait un regret, celui qu'il n'ait pas connu le succès auquel il le prédestinait. Tant il est vrai que la mélodie est entraînante et le message « L'instant présent peut être nôtre si nous l'enchaînons avec d'autres » est aussi inédit que pertinent. Mais le succès est une muse capricieuse et l'album contenait déjà « Non, je n'ai rien oublié » et « Mourir d'aimer » deux chansons qui allaient devenir des classiques. La plume est tirée du deuxième album de Louise Attaque, comme on a dit, en 1997. Chose rare pour Louise, qui a fait appel à Françoise Breu pour chanter les chœurs de cette chanson. Alors, sans être une vedette, Françoise n'est pas non plus une inconnue. Illustratrice à la base, elle rencontre Dominique A au début des années 90 et aura une liaison de 10 ans avec lui. C'est Dominique qui lui met le pied à l'étrier de la chanson, d'abord en lui laissant quasiment un duo sur son plus gros succès, le 22 Bar, puis en réalisant son premier album en 1997. Un disque qui aura paradoxalement davantage de succès à l'étranger qu'en France, intéressant notamment des groupes américains comme Calexico, qui reprendra le titre « Ma colère » ou « The Walkabout », suivront 7 albums avec ou sans Dominique A et une carrière tout à la fois discrète et intègre. Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi, je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas, je serais prête comme si j'attendais. Jusque-là, on s'est contenté de rien, et ça va un peu, je t'approuverai, crois-moi, je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure, je connais trop le dessin de cet endroit-là, où si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. On y va, si tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi, je suis prête depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça, tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire, je me demande pourquoi tu es là. Quand on pense à Hubert Félix Thiéfaine, le Thiéfaine des débuts, le plus inspiré, on pense au groupe Machin, qu'il a accompagné sur scène et en studio. Mais on oublie que Machin a eu une vie propre, un peu comme The Band avec Bob Dylan. Machin, aussi connu sous le nom de Le Très Véritable Groupe Machin, est un groupe de folk rock franc-comtois qui a la particularité de mélanger des instruments typiquement rock, guitare, basse, batterie, clavier, aux clarinettes, flûtes, accordéons et autres violons. Mais c'est surtout dans la forme, avec un humour grinçant, que Machin s'illustre. Rien d'étonnant donc que Thiéfaine, qui avait la même irrévérence, ait longtemps fait appel à ses services. Votre sainteté dedans l'église, malgré les adeptes du latin, les curetons s'américanisent, ça devient de plus en plus certain. Le notre, il cause même plus notre langue, depuis qu'il s'est payé la télé. Il prend son vélo pour un Mustang, son goupillon pour un pistolet. On dit qu'il se croit un vrai shérif, et les mauvaises langues vous montrent. Il aurait mangé du cornet de bif le vendredi saint, le vendredi saint. Il a délavé son scapulaire et sur sa soutane il a écrit par devant ainsi que par derrière California University. Et faut le voir quand il dit la messe, il a mis partout des projecteurs. On se croirait en plein show business comme il danse avec les enfants de cœur. Il écoute que de la musique pop et les mauvaises langues disent aussi qu'il est plus souvent dans les sex shops qu'à la sacristie. Qu'à la sacristie. En vrai,

sur la gueule. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je t'offre ma vie, et je t'offre mon corps si judiciaire et mon beriberi. Je t'aime. Ce matin, les enfants ont cassé leur vélo avant de se jeter sous les trains numéro 1, numéro 4, numéro 10, numéro 12, numéro 30, 51, 62, 80, 82, 90, 95, 101, 110 et 1095 qui gagnent un lavabo en porcelaine. En sautant de mon lit, j'ai écouté les morceaux. C'est alors que j'ai vu le regard inhumain des tournements maudits qui me lorgnaient comme une bête à travers les pales du ventilateur, tout en te faisant l'amour dans une baignoire remplie de choucroute garnie. Tu as la splendeur d'un enterrement de première. Et moi je suis timide comme un enfant mort-né, oh timide mort-né. Dans X temps, il se peut que les lamelles de mes semelles se déconnectent et que tu les prennes sur la gueule. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je t'offre ma vie, et je t'offre mon corps, mon casier judiciaire et mon béri-béri. Je t'aime. Comment compose-t-on une chanson? Georges Brassens a tenté de répondre en ce qu'il concerne à cette épineuse question en évoquant la genèse d'une chanson particulière, le testament. Les idées qui lui viennent, les images qu'elle lui évoque, la structure et la construction de la chanson, mais aussi, et plus surprenant, la noirceur pour frapper les esprits, l'influence d'Edgar Allan Poe avec l'analyse du corbeau. Georges aborde tout cela au micro de Philippe Nemo. C'était dans l'émission Des vivants et des dieux sur France Culture le 19 février 1979. On l'écoute. Commencer le testament, voilà comment je l'ai commencé. En fait, je note les idées qui me traversent l'esprit brusquement, sans raison aucune. Une image me vient, l'affaire la tombe buissonnière, je ne sais pas, moi, parce que je vois qu'un... Je rencontre un corbillard qui marche lentement ou qui se trompe de route, ou alors je lis le truc de Jacques, de Mac Jacob ou de je ne sais plus qui, je crois que c'est de Mac Jacob. Comme on s'était trompé de route, on dut recommencer l'enterrement. Je lis ça brusquement, je pense à la tombe buissonnière. J'écris la tombe buissonnière sur mon carnet de notes. Bon, je laisse tomber mon carnet de notes. Quelques jours après, tout à fait par hasard, je repense à ce corbillard qui s'était trompé de route. Et j'écris « La mort tourne autour du tombeau ». Je dis « Ça serait marrant si le mort sortait maintenant et disait « Non, je veux pas mourir, je laissez-moi accueillir les papillons avant de mourir ». Et je note « La mort tourne autour du tombeau », je note tous ces trucs-là. Quand tout ça s'est noté, j'ai fini par en avoir suffisamment pour donner une autre forme que cette forme d'image. Et alors à ce moment-là, je me dis « Qu'est-ce que je vais foutre avec tout ça ?» Avec ma tombe buissonnière, avec « La mort tourne autour du tombeau », avec le... Le type qui prend son temps d'aller cueillir des marguerites, chrysanthèmes, hop, je note. Et puis je commence, je me dis, tiens, ben, ce que tu vas faire, tu vas raconter ton enterrement, tu vas dire comment tu veux être enterré. Et j'écris un truc, et puis le mot testament vient longtemps après, parce qu'au fond, le mot testament n'est pas tellement à sa place dans cette chanson. Et je commence à écrire. Alors, il faut le commencer une chanson. En général, je la commence pas par le début, je la commence toujours par la fin. Parce que c'est plus facile. Il vaut mieux remonter le courant. Je crois que c'est Poe qui disait ça dans la genèse du poème. Il faut d'abord trouver quels sont les mots qui frappent. Quels sont les mots les plus tristes? C'est la chose triste qui frappe toujours. Alors, quel est le mot le plus triste de la langue anglaise? C'est nevermore, jamais plus. Et dans quelles conditions ce mot est-il particulièrement triste? Quand c'est un type qui le dit à propos d'une femme qui ne reverra plus de celle qu'il aimait. Si elle est morte, ça fait très bien. Alors voilà, j'ai déjà mon refrain. Il faut que ce soit un refrain, parce que c'est bon qu'il y ait un refrain pour le... de temps en temps pour se rappeler au bon souvenir du public, qui est un peu passif. Et il faut que je place dans les conditions les plus sinistres, il faut que ce soit un soir de décembre ou de novembre ou d'octobre, je ne me rappelle plus, enfin un soir où il fait un soir triste. Et il faut que ce mot soit répété, ce nevermore soit répété à cet amant, par un perroquet, parce que le perroquet parle. Alors un soir, un perroquet vient, il frappe à la fenêtre, je lui ouvre, ce perroquet se perche, et puis je lui parle de ma belle Julie, qu'est-ce qu'elle est devenue, celle que j'aimais, est-ce que je la verrai? Non, tu la reverras jamais plus, répond le perroquet. Puis brusquement, je me dis qu'un perroquet n'est pas assez noir, en pensant au noir, il pense à l'oiseau de mauvais augure qui parle aussi, le corbeau. Alors il trouve le corbeau, et alors à ce moment-là, il commence ce poème. Un soir que j'étais là, on frappe à la fenêtre, j'ouvre, c'est un corbeau, il se perche sur un buste blanc, naturellement, pour le contraste. Un bus de palace. Et il y a le feu chez Edgar Poe. On va chercher un de ces cadavres. Il se perche là et le poète l'interroge. Il lui dit qu'il est devenu celle que j'aimais. Le corbeau répond, tu ne la reverras jamais plus. Voilà. Alors moi, je fais un peu ça. J'emboîte le pas avec Carpeau. Je fais le contraire. Et alors, je me dis, voilà, il faut qu'il dise qu'un jour, il va mourir. Il faut qu'il dise comment il veut être enterré. Il faut qu'il raconte son enterrement. Et il faut qu'il mette une petite morale là-dedans. Voilà. Alors je serai triste comme un sol quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en, voilà aussi je suis. Mais en fait, c'est pas ça. Je l'ai pas commencé comme ça, la chanson. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Ça a été trouvé avant tout. Je dis pas que ça a été trouvé comme ça. N'a-t-il pas encore été abattu, l'arbre qui... Est-ce hier qu'on l'a coupé, l'arbre qui me servira de cercueil? Voilà comment... Et j'ai noté ça, au sapin de mon cercueil. S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Bon, je ferai la chambre du Seigneur, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis si me croient foilier. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Le chemin des écoliers, la tombe buissonnière, le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Voilà le pivot de ma chanson, voici les piliers de ma chanson. Quelques images comme ça, quelques petits trucs qui m'ont paru jolis. Et ensuite, autour de tout ça, j'ai tissé un petit enterrement. Alors, en somme, une chanson de 8 strophes, pour moi, se comporte surtout 8 vers, à peu près valables, 8 images. 8 images. 8 petits trucs qui me paraissent valables. Et tout le reste est de la littérature pour amener ces 8 images. Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'en juponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon. Et pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac. Mais que jamais mort de mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter.

je plonge sans comme un tunnel qui m'effraie. De ta distance à la mienne, c'est courir après le vent. Je ne sais pas pourquoi je reste dans une mer où je me noie. Je ne sais pas pourquoi je reste dans un air qui m'étouffera. Tu es le sang de ma blessure, tu es le feu de ma brûlure, tu es ma question sans réponse, mon cri muet et mon silence. Le Conservatoire de Paris étant destiné à l'enseignement de la musique classique, il n'existait aucun lieu pour l'apprentissage du métier d'auteur-compositeur-interprète dans le domaine des variétés. Les jeunes artistes sont confrontés sans préparation à la scène lorsqu'ils arrivent jusque-là. Sacha Guitry se désolait que personne n'ait songé à, je cite, « enseigner le chant à tant de malheureux, à tant de malheureuses qui piaillent vainement, qui hurlent sans raison ou qui bêtifient ». Fin de citation. Forte de son talent et de ses 20 ans de carrière, Mireille savait comment leur être utile, écouter, regarder, veiller, éviter que la stagnation ne soit trop longue, détecter plus vite, plus tôt, le talent latent. Ainsi est né le Petit Conservatoire de la Chanson, également nommé Petit Conservatoire de Mireille. De 1955 à 1974, une vingtaine de candidats étaient auditionnés chaque semaine pour présenter une chanson de leur choix, de leur composition ou d'un auteur de prédilection. Quatre ou cinq étaient retenus pour l'émission de radio puis de télévision, diffusée d'abord sur la RTF puis sur l'ORTF. Mireille les présentait tour à tour, individuellement, dans un entretien de quelques minutes, les faisant parler de leurs chansons, de leur style, de leurs projets, de leurs progrès, avant d'écouter attentivement leurs prestations. Le répertoire et la forme allaient du lyrique au yéyé, du solo au chœur. Parmi les élèves qui sont passés par le conservatoire de Mireille, on trouve notamment Françoise Hardy, Hugo Frey, Michel Berger, Frida Bocara, Julien Clerc, Hervé Christiani, Jean-Jacques Debout, Henri Dess, Alice Denat, Yves Duteil, Daniel Evenou, Serge Lama, Sabine Paturel, Daniel Prévost, Sappho, Pascal Sevran, Alain Souchon, Pierre Vassilou ou encore Dick Ingarde. Permettez-vous que j'emprunte votre oreille, histoire de vous raconter l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche comme toutes les mouches, le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille. Un jour elle atterrit dans la cellule d'une crapule. Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Violeur, voleur, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit. Raymond, bonjour la mouche, Mireille, bonjour Raymond. Soyons de bons amis et des amis pour de bon. La brute apprivoisée passant toute sa journée à jouer avec Mireille, pour bonne conduite et libérée.

Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. Destin particulier que celui de Le jour se lève encore. Il s'agit tout d'abord d'une chanson de Barbara, créée en ouverture de son concert au Théâtre du Châtelet en 1993. Présente sur l'album Châtelet 93, la chanson sera enregistrée 3 ans plus tard en studio et figurera sur le 13e et dernier album de Barbara, sorti en 1996. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Pour l'enregistrement de cet album, Barbara a demandé à Jean-Louis Aubert de travailler avec elle. Elle lui envoie donc par fax les paroles de ce Le jour se lève encore en lui disant, je cite, « Il y a quelque chose pour toi dans cette chanson ». Jean-Louis raconte la suite. Un soir, j'ai pris ma guitare, j'ai fait une musique sur ce texte et je suis retourné la voir. Ce qu'il ignorait, c'est que la chanson possédait déjà une musique. Dans notre rubrique « À deux, c'est mieux », on entend toujours deux versions d'une même chanson, mais c'est la première fois que l'on va écouter sur un même texte deux musiques complètement différentes. D'ailleurs, cela a posé un problème à la SACEM lorsqu'il a fallu déposer le second titre, celui composé par Aubert. Elle ne savait pas comment enregistrer deux chansons différentes sous un même titre. Normalement, une chanson, c'est un titre. Là, deux chansons, c'est un titre. Quand Barbara lui a expliqué cela, l'employé de la SACEM lui aurait répondu « Ça ne m'étonne pas de vous ». On écoute donc ces deux chansons, deux versions du même texte signé de Barbara, mais composé et interprété par Barbara d'une part et par Jean-Louis Aubert d'autre part. Quand tu ne crois plus que tout est perdu, quand trompé, déçu, meurtri, quand assis par terre, plus rien pouvoir faire, tout seul dans ton désert, quand mal, trop mal, tu marches à genoux, quand sourd, n'entendent plus le cri des femmes. Tu verras que l'ombre revient quand même. Tu verras le jour se lève encore. Même si tu ne crois plus à l'aurore, tu verras le jour se lève encore. Quand la terre saigne ses blessures sous l'avion qui crache la mort, quand l'homme chacal tire à bout portant sur l'enfant qui rêve ou qui dort, quand mal, trop mal, tu voudrais larguer, larguer tout, larguer, quand la folie des hommes nous mène à l'horreur, nous mène au dégoût. N'oublie pas que l'aube revient quand même. N'oublie pas le jour se lève encore. Étonné, on prend le corps à corps. On continue, le jour se lève encore. Suivons les rivières, cartons les torrents. Restons en colère, soyons vigilants. Même si tout semble fini, n'oublie pas qu'au bout de la nuit, qu'au bout de la nuit, au bout de la nuit, doucement, l'aube revient quand même, et même pâle, le jour se lève encore, tu verras, étonné, on reprend le corps à corps, on continue, le jour se lève encore, tu verras. Tu verras, le jour se lève encore. Tu verras, le jour se lève encore. Tu verras, le jour se lève encore.

Si tu disais, de Dominique Anet, Gaëtan Châtaignier, Sacha Tourop et Pierre Bondu par Françoise Breu, Lettre au Pape d'Angèle Carichi et Tony Carbonare par le groupe Machin, La Vierge au Deutsch 51 de et par Hubert Félix Thiéphen, Le Testament de et par Georges Brassens, La Question de Françoise Hardy et Touka par Françoise Hardy, Mireille de et par Dick Engarn, Rosa de et par Jacques Brel, En relisant ta lettre de et par Serge Gainsbourg, Nuit et brouillard de et par Jean Ferrat, Le jour se lève encore de et par Barbara, mais aussi de Barbara et Jean-Louis Aubert par Jean-Louis Aubert. Vous avez également pu entendre une interview de Georges Brassens réalisée par Philippe Nemo en 1979 dans le cadre de son émission Des vivants et des dieux sur France Culture, ainsi que la lecture d'extraits du Corbeau d'Edgar Allan Poe traduit par Charles Baudelaire, sans oublier la valse d'Amélie de Yann Tiersen.